route comporte trois voies de circulation à double sens. La voie centrale sur laquelle je circule est réservée au dépassement et au changement de direction à gauche. Je suis donc bien placé si j'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. En revanche, en marche normale, je suis mal placé, car je dois circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée. Réponse B et C.